Chapitre 10, deuxième partie. La Satza était située au milieu des sables, à 5 ou 6 verstes de l'endroit où nous campions. Pour nous y rendre, force était de faire de longs circuits dans le but de donner le change au Kalmouk en cas de soupçon. Tout cela présentait assez de difficultés et entraînait surtout de grandes fatigues. Mais je ne persistais pas moins à être de cette expédition dont on voulait m'exclure et je fus une des premières en selle. Au bout de 2 heures de marche et de contre-marche dans le sable, par une chaleur tropicale qui avait enlevé tout courage à nos montures, nous arrivâmes en face de la Satza aussi satisfaits que si nous venions de remporter une éclatante victoire, quoiqu'au fond, le jeu ne valut pas la chandelle, car l'aspect de cette construction n'était rien moins qu'attrayant et semblait fort peu mériter la course que nous venions de faire. Le tout formait un petit bâtiment carré d'une couleur grise, percé seulement de 2 trous en guise de fenêtre et ne présentant pas l'ombre d'une porte. Chacun tournait autour de cet impénétrable sanctuaire avec un désappointement tout à fait comique. Il fallut alors inventer un mode quelconque pour nous y introduire, l'idée de repartir sans satisfaire notre curiosité ne pouvant nous venir à l'esprit. Quelques pierres enlevées à l'une des fenêtres nous livrèrent un passage peu commode à la vérité, mais suffisant pour ce que nous en voulions faire. Conquérant de la Satza, nous y entrâmes par une brèche, comme Mahomet II dans la capitale du Bas-Empire. Seulement, personne n'avait songé à l'étendard qui était indispensable pour accomplir rigoureusement les cérémonies d'usage. En lieu et place, Omer eut recours à son foulard qu'il planta au haut du mausolée, prenant possession de la Satza au nom de tous les voyageurs, passés, présents et futurs. Cette cérémonie achevée, une visite minutieuse fut faite à l'intérieur du tombeau, sans qu'elle permît d'y découvrir rien d'extraordinaire. Le monument paraissait très ancien. Quelques idoles en terre cuite, semblables de forme à celles que nous avions vues chez le prince Tumène, étaient rangées à terre, le long des murs. De distance en distance, plusieurs petites niches renfermaient des images que l'humidité avait à demi pourries. Un feutre couvrait le sol de terre battue, ainsi qu'une partie des murs. En vainqueurs généreux, nous nous contentâmes de prendre 2 statuettes et quelques images. Suivant les croyances des Kalmouks, aucun sacrilège ne peut entrer en comparaison avec celui dont nous nous rendions coupables. Cependant, le feu du ciel ne nous pulvérisa pas et le grand lama, en Dieu bien élevé, nous laissa regagner le gros de notre escorte. Mais une contrariété assez vive nous était réservée au retour. L'une des idoles s'était brisée en route, et nous dûmes prier les boucans du steppe d'étendre leur protection sur l'autre pendant le reste du voyage. Antoine et l'officier furent longtemps questionnés par les Kalmouks, qui paraissaient agités d'une certaine inquiétude. À leur réveil, ils nous avaient vus revenir du côté de la Satza, et cette circonstance les avait vivement contrariés. Cependant, quelques pièces de gibier, dont nous avions eu le soin de nous munir, et l'air d'autorité que prit l'officier, coupèrent court à toutes leurs observations. Le lendemain de ce jour mémorable, Antoine vint nous annoncer qu'il n'y avait plus de pain, nouvelle fort importante dans le désert, et qui força mon mari à abandonner momentanément ses opérations scientifiques pour gagner Selenoï Soustava, séparé du point où nous étions, d'environ 35 verstes. Je ne saurais exprimer avec quelle satisfaction Cosaques et Kalmouks reprirent possession de leurs chameaux. On a bien raison de dire que tous les goûts sont dans la nature et l'on ne peut plus s'étonner de rien quand on a vu des hommes préférer le supplice disloquant de ces détestables montures à l'ennui de faire 15 à 20 verstes à pied par jour. Monsieur de Hell, de son côté, ne parut pas très fâché de reprendre sa place à côté de moi dans la brichka. En un mot, nous ressemblions tous à une bande d'écoliers gratifiés d'un jour de congé imprévu. Avant d'atteindre les salines où nous allions demander du pain, nous traversâmes quelques campements kalmouks. Le désert commençait à s'animer. Des chariots chargés de sel se montraient dans différentes directions. Nous n'étions plus seuls avec le ciel et le steppe. À notre arrivée à Selenoï, on nous conduisit chez le sous-inspecteur des salines, l'inspecteur étant absent. Et certes, notre surprise fut grande en voyant ce fonctionnaire habiter le plus misérable taudis qu'il soit possible de se figurer. Comparé à ce logement, Widouk était un palais. Jamais nous n'avions rencontré, même chez les plus pauvres paysans russes, une aussi épouvantable misère. Ce sous-inspecteur, qui prenait également le titre de lieutenant-colonel, était un petit homme à figure de fouine, vêtu d'un uniforme dont on ne pouvait plus distinguer ni la couleur ni les galons, vu son état de délabrement. Notre arrivée était pour ce personnage une si bonne aubaine, comme nous le comprîmes plus tard, qu'il nous reçut avec des manifestations de joie effarée, une volubilité de paroles et une importunité vraiment étourdissante. La maison, amas de ruines étayées les unes sur les autres par quelques poutres à demi pourries, était d'une saleté vraiment révoltante. On nous donna la chambre la moins dégradée, mais il fallut plus de 2 heures pour dissiper les nuages de poussière qu'Antoine avait soulevés en la balayant. Les fenêtres sans châssis, les portes délabrées et l'absence de tout meuble augmentèrent encore notre étonnement et notre malaise et nous firent vivement regretter de n'avoir pas campé dans le steppe suivant notre habitude. Nous essayâmes même de quitter la maison, mais le lieutenant-colonel jeta de si hauts cris, prit des airs si désespérés, que, bon gré mal gré, nous fûmes forcés de subir sa singulière hospitalité. Pour suppléer aux meubles qui manquaient, nous fîmes comme font les Turcs. Un tapis et des coussins étendus à terre nous servirent de lit et de divan. Une fois débarrassés de ces premiers soins d'installation, le drogman s'empressa de demander à notre hôte s'il avait assez de pain chez lui pour nous permettre d'en emporter une certaine provision. Ce dernier, prévenu par l'escorte du but de notre visite, avait pu calculer sa réponse qui nous fut très défavorable. Dans l'état de profond dénuement où il vivait, notre présence chez lui était une bonne fortune trop précieuse pour qu'il la laissât échapper avant d'en avoir tiré tout le parti possible. Ainsi, sa réponse fut-elle négative, et le drogman vint nous apprendre qu'avant plusieurs jours, nous ne pourrions avoir de pain. Toutes ces réclamations s'étant brisées contre l'impassibilité du singulier personnage avec lequel le sort nous mettait en présence et qui s'était sans doute juré à lui-même de nous garder le plus longtemps possible dans ses griffes de vautour. Tout cela nous rendit sa moralité assez suspecte, et nos soupçons à son endroit étaient loin d'être des jugements téméraires, comme la suite le prouvera. Sa conduite envers nous, ses demandes indiscrètes, son avidité et ses larcins nous expliquèrent suffisamment la folle joie qu'il avait montrée à notre arrivée, joie qui me paraissait d'abord inexplicable. Dès le premier jour, alléché par une magnifique oie sauvage qu'Antoine avait fait rôtir dans la tente de sa cuisinière kalmouk, il nous fit demander la permission de venir partager notre dîner. Nous le vîmes arriver, tenant en main une assiette de mauvais croûtons séchés au four, qu'il nous présenta comme d'excellents zoukari. Pendant tout le temps du repas, il nous donna la comédie la plus divertissante du monde, par son insatiable gloutonnerie et son bavardage continuel, ajoutant encore au plaisant du spectacle en faisant disparaître à lui tout seul un pain à moitié moisi qu'il nous avait vendu le matin 1,5 rouble. Les chameliers profitèrent de notre séjour à Sélénoï pour aller, dans un campement voisin, chercher des remplaçants à leurs animaux fatigués par plus de 3 semaines de marche. Ils nous promirent d'être de retour dans les 24 heures, mais ce ne fut qu'au bout de 2 jours que nous les vîmes reparaître, et dans quel état ! D'après le récit de l'un d'eux, qui revint le premier en grand émoi, ils avaient traité un peu rudement les Kalmouks, fournisseurs de chameaux, et ceux-ci, s'étant révoltés, les avaient battus et conduits, pieds et poings liés, chez un de leurs surveillants qui ne les avait relâchés que le lendemain. Je n'ai jamais vu confusion pareille à celle que présenta le retour de ces matamores. L'un avait la tête bandée, un autre portait un bras en écharpe, celui-ci boitait piteusement. Tous étaient plus ou moins éclopés. Cette aventure et la grotesque avidité du lieutenant-colonel ne furent pas les seules distractions que le sort nous ménageait à Sélénoï. Un beau matin, nous vîmes arriver bon nombre de familles kalmouks dans un curieux désordre, nous annonçant que les circassiens venaient de se montrer à 3 verstes des salines sur les bords de la Kouma. Rien ne saurait exprimer la consternation produite par cette nouvelle. Kalmouks et Cosaques, tous étaient profondément effrayés de sentir les circassiens si près d'eux. L'escorte entière vint nous supplier à genoux de ne pas nous remettre en route avant d'avoir appris quelque chose de positif à ce sujet. Mais, après beaucoup d'informations, nous eûmes la certitude que l'alarme était dénuée de fondement et nos préparatifs de départ n'en furent pas retardés. Je n'ai jamais vu d'être plus bizarre que notre hôte. À chaque instant du jour, et bien malgré nous, il était notre unique préoccupation. Antoine l'avait prise en grippe au plus haut degré, ne manquant pas une seule occasion de nous raconter ce qu'il appelait ses turpitudes. Tous les matins, on était sûr de voir le susdit personnage en embuscade derrière la porte jusqu'à ce que le samovar fût prêt. Alors il arrivait, le sourire sur les lèvres, sa tasse et sa cuillère à la main, n'attendant même pas notre invitation pour se mettre à table et tremper ses zoukaris dans 3 ou 4 tasses de thé. Un jour, il vint demander à mon mari quelques cuillerées de rhum pour un soi-disant malade. Mais le soir, sa gaieté et sa figure rubiconde nous apprirent assez clairement à quelle adresse était arrivée la liqueur. Il la trouva même tellement à son goût que le lendemain, il supplia Antoine de lui en donner encore quelque peu en cachette, lui affirmant d'un air très sérieux que le chat avait répandu la première tasse. Impossible d'avoir du repos, ni jour ni nuit. Non content de nous avoir assourdis de son bavardage, dont nous ne comprenions pas un mot, il lui prenait souvent fantaisie de chanter tous les airs petits russiens qui lui venaient à la mémoire. Longtemps après nous être couchés, nous l'entendîmes un soir se promener dans le corridor de long en large comme une sentinelle, ce qui nous fit faire plus d'une conjecture sur cette nouvelle lubie. Le lendemain, il eut le soin de nous apprendre que sa nocturne faction était un excès de prévoyance, inquiété qu'il était par le bruit de l'apparition des circassiens. Le fusil au bras, il avait donc veillé sur nous jusqu'au matin avec l'intention de s'acquitter chaque nuit du même devoir. Comment rester insensible à de pareils procédés? Comment refuser à un tel homme les provisions de sucre, de thé et de café qu'il sollicitait constamment par ses regards et ses demi-mots? Malheureusement, ces requêtes se succédaient beaucoup trop rapidement et notre reconnaissance finit par se lasser de son indiscrétion. Antoine devenait furieux chaque fois que l'on cédait à ses importunités et ne cessait, pour s'en venger, de le tourmenter de 1000 manières. Un jour, de sa pleine autorité, le susceptible drogman avança le dîner 1 heure pour dépister notre amphitryon. En effet, celui-ci n'arriva qu'au moment où nous sortions de table. On n'a jamais vu d'homme plus désappointé. Il se tenait sur le seuil de la porte, ne sachant s'il devait entrer ou sortir. Forcé enfin de faire le sacrifice du dîner, il ne trouva pas de meilleur parti à prendre dans son désespoir que celui d'aller administrer une volée de coups de bâton à son kalmouk. La veille de notre départ, nous apprîmes que le pain qu'il nous avait vendu était taxé plus du double de ce qu'on le payait à la caserne. Découverte qui donna lieu à une vive dispute entre lui et Antoine, charmé d'avoir un tel grief à lui reprocher. Mais monsieur l'inspecteur ne se déconcerta pas pour si peu. Après avoir écouté avec un calme imperturbable les reproches du drogman, il lui répondit, d'une manière fort dégagée, que la chose ne valait pas la peine qu'on en parlât, attendu qu'en voyage, on devait s'attendre à payer le plus souvent un ducat, ce qui ne valait que 20 copecs. Son humeur devint tout à fait morose lorsqu'il vit les préparatifs de départ. Alors il ne parla plus et se contenta d'observer d'un air inquiet ce qui se passait dans notre chambre. Ses yeux furetant sans cesse auraient voulu se faire jour à travers les enveloppes de tous les paquets. Chaque fois que les hommes transportaient quelque chose dans la voiture, ils les suivaient d'un œil courroucé comme s'ils se fussent rendus coupables d'un vol à son préjudice. Enfin, le sixième jour de cette malencontreuse arrivée à Selenoï-Soustava, nous eûmes la satisfaction de reprendre notre volée et de planter là le lieutenant-colonel et sa misérable masure. Je doute que la crainte des circassiens eût pu nous retenir davantage dans un pareil taudis, tellement nous nous sentions le besoin de sortir de cette sphère d'égoïsme, de misère et de malpropreté où des circonstances imprévues nous avaient retenus si longtemps, malgré notre volonté. La sécheresse qui s'était maintenue dans l'atmosphère pendant tout le cours de notre trajet de Widouk à Selenoï avait, dès notre installation chez le surveillant, fait place à de fortes pluies, principale cause de la prolongation de ce triste séjour sous son toit. Le jour même du départ, le ciel était assez menaçant, mais nous n'en montâmes pas moins en voiture, avec un contentement inexprimable. J'aimais mille fois mieux courir le risque de recevoir 10 averses en plein steppe que de me condamner à passer 24 heures de plus à Selenoï. Heureusement que le sort voulut, en quelque sorte, nous dédommager de nos ennuis récents en nous accordant le temps le plus agréable qu'on puisse désirer en voyage. La pluie avait assez durci le sable pour rendre la marche très facile et en même temps, elle avait répandu sur le steppe quelque chose de doux et de voilé qui lui donnait un charme tout particulier. C'était déjà l'automne, c'était ses fraîches matinées et ses nuances mélancoliques. Habitués à la réverbération dévorante du soleil, nous croyons voir s'ouvrir devant nous le paradis terrestre. Un jour suffit pour dégager le ciel de ses dernières vapeurs, et son azur reparut dans toute sa pureté, sillonné seulement par quelques nuages dont les teintes vaporeuses et chaudes semblaient enlever au désert son aridité. Mais le soleil avait perdu beaucoup de son ardeur, et quoiqu'il versât à profusion ses rayons sur nos têtes, nous atteignîmes sans en souffrir les sources du Manitch. Ces sources formées par une dépression d'environ 25 verstes de largeur, vers laquelle convergent plusieurs petits ravins, se trouvaient complètement desséchées lorsque nous y arrivâmes. Et tous leurs alentours, coupés par de petits lacs salins, ne présentaient aucune espèce de végétation. Le manque absolu d'eau et de pâturage empêcha mon mari de pousser jusqu'au don ses opérations géodésiques. Ce ne fut pas, comme on le pense, sans une vive contrariété qu'il remit à l'année suivante la solution de son grand problème scientifique. Nos hommes étaient pleins d'ardeur, notre santé excellente, et nous ne nous attendions nullement à l'obstacle qui nous arrêtait ainsi dans une voie suivie jusqu'alors avec tant d'obstination. Mais la nature ordonnée et force fut de plier la tête. Nous passâmes la nuit près des sources, au milieu d'une contrée alors entièrement déserte. Le lendemain de bonne heure, nous retournâmes sur nos pas pour nous diriger du côté de la Kouma, dont nous n'étions éloignés que de 75 verstes. Tous les hommes étaient remontés sur leurs chameaux, fort joyeux de ne plus avoir en perspective les courses pédestres auxquelles, malgré toute leur bonne volonté, ils n'avaient pu s'habituer. Pendant deux nuits de suite, nous campâmes au milieu des Kalmouks, car le steppe devenait de moins en moins désert à mesure que nous nous éloignions de notre première direction. On ne peut se figurer avec quelle surprise et quelle avidité ces bons Kalmouks écoutaient le récit de notre voyage à travers leur plaine. Quand le repas du soir était achevé, ils restaient accroupis autour de notre kibitka, prêtant une religieuse attention aux contes invraisemblables que leur débitaient du ton le plus sérieux nos hommes. Un des chameliers surtout avait reçu du ciel une imagination d'une fécondité inépuisable. À lui seul était réservé le soin d'amuser toute l'escorte pendant les campements du soir. Et lorsqu'il avait affaire à de nouveaux auditeurs, sa complaisance et sa bonne humeur atteignaient les dernières limites du possible. Alors, c'était un débit, une éloquence, des gestes si entraînants que chacun applaudissait avec enthousiasme, sans excepter ceux qui l'entendaient tous les jours. Le dernier campement où nous passâmes la nuit nous parut un des plus considérables que nous eussions rencontrés jusqu'alors. C'est que le pays, presque transformé, n'était plus attristé par les plaines de sable de la mer Caspienne et du Manitch. Maintenant, une végétation abondante et des ondulations de plus en plus prononcées égayaient nos regards et nous expliquaient les nombreux campements que nos regards découvraient dans toutes les directions. Des troupeaux de chevaux, de chameaux et de bœufs sillonnaient la surface du steppe, annonçant la richesse des hordes auxquelles ils appartenaient. Aucune manifestation hostile de la part de ces dernières ne vint troubler notre sécurité. Heureux de nous recevoir au milieu de leurs tentes, ces bons Kalmouks n'ont jamais essayé de nous voler la moindre chose. Leurs désirs et leurs besoins sont si peu étendus. Dompter un cheval sauvage, errer d'un steppe à l'autre sur leur chamelle, fumer et boire du koumis, se blottir l'hiver au milieu de la cendre et de la fumée et s'adonner aux pratiques superstitieuses d'une religion qu'ils ne peuvent comprendre, telle est leur vie tout entière. J'eus à différentes reprises la curiosité d'entrer dans le kibitka, mais je ne trouvais nulle part la malpropreté dont on m'avait parlé. Les katès russes offrent infiniment plus de désordre et de misère que l'intérieur de ces tentes. Entre autres visites, nous en fîmes une à la femme d'un chef subalterne qui nous attendait revêtue de ses plus beaux atours. Accroupie sur un feutre, elle avait un enfant à ses pieds et, à côté d'elle, une suivante immobile. Elle fut enchantée de me recevoir, considérant ma visite comme un des grands événements de sa vie. En effet, pour ces simples créatures qui ne connaissent dans le cours de leur vie que le steppe, la kibitka et les chameaux, notre apparition devait tenir quelque peu du prodige. Ma vue surtout avait bien le droit de les étonner profondément et de faire travailler leur imagination. C'eût été chose curieuse que de connaître le fond de leurs pensées quand, accroupies autour de moi, elles observaient en silence mes moindres faits et gestes. Ma voix, mes traits, mon costume, mes attitudes, tout devait les plonger dans un étonnement extraordinaire et leur donner la révélation d'un monde dont elles n'avaient eu nulle idée jusqu'à ce jour. Nous remarquâmes avec surprise qu'il n'y avait pas un seul prêtre dans ces nombreux campements, mais plus tard, nous sûmes qu'ils s'étaient tous portés au nord, du côté de la Sarpa, où se trouvaient de bien plus beaux pâturages et où l'on était plus incommodé, comme sur les bords de la Kouma, par les myriades de cousins qui forment en automne un véritable fléau pour ces contrées. Nous eûmes beaucoup à souffrir nous-mêmes de ces terribles insectes jusqu'à Vladimirovka. Ils nous impatientèrent plus d'une fois au point de nous faire regretter les sables du Manitch. Je ne sais trop comment nous nous serions tirés d'affaire, vu le triste état de nos provisions, si la sécheresse n'eût pas mis obstacle à la continuation du voyage. Depuis longtemps, le lard, le riz, le café et les galettes avaient disparu. Il ne nous restait plus qu'une petite provision de thé et de sucre, et la ressource à la vérité inépuisable du faucon qui, tous les jours, faisait merveille pour suppléer à l'exiguïté des provisions. Le dernier repas pris sous la tente ne se composait que de gibier accommodé de toutes les façons. Antoine, qui ajoutait à ses fonctions de drogman celle de chef d'office, de cuisinier et de marmiton, avait épuisé toute son imagination pour que le dîner laissât un profond souvenir dans l'esprit de chacun. Mais sa science culinaire échoua contre notre dégoût pour tout ce qui était canard sauvage ou sarcelle. Nous vivions depuis si longtemps de gibier que la vue seule d'une oie sauvage nous donnait une indigestion. Aussi éprouvâmes-nous un véritable ravissement lorsque, arrivés dans la maison d'un surveillant de Kalmouk, nous nous trouvâmes en face d'une table couverte de légumes et de pâtisseries. La maison de cet employé, jeune russe fort aimable et parlant le Kalmouk comme sa langue maternelle, était située à peu de distance de la Kouma, dans une magnifique prairie. Depuis longtemps, aucun paysage semblable n'avait frappé ma vue, et cependant, nous touchions encore au désert. Mais cette petite maison blanche, à contrevent vert, ombragée de deux ou trois beaux arbres, changeait complètement, à mes yeux, la physionomie du pays. Ce surveillant nous donna beaucoup de renseignements sur le propriétaire de Vladimir Ovka, dont nous avions déjà entendu parler à Astrakhan. Il nous offrit même de nous accompagner jusqu'à son établissement, à peine éloigné d'une dizaine de verstes. C'était là que nous comptions nous refaire un peu de nos fatigues de voyage et prendre définitivement congé de notre escorte. Fin du chapitre 10.